Les meetings consacrés à la journée du soleil ont eu lieu à Cuba, au Laos, au Myanmar et en Afrique du Sud. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et autres habitants des pays hôtes, les ambassadeurs coréens et leurs collaborateurs dans ces pays-là. Les orateurs ont dit que le président Kim Il-sung, qui a consacré tout pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple, et accompli de grands exploits pour la cause d'émancipation du monde, s'éternise dans la mémoire de l'humanité progressiste. Au meeting tenu en Afrique du Sud, les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.